Buste droit, tête bien haute, fier mes frères. Signe du 3 sur la poitrine, préparé pour la guerre. Dents orageux, air malsain, tant de chien. On est tous des anciens, mais l'honneur reste au mien. Discipliné, aligné, je suis le numéro 3. Loyauté, fidélité sont les mœurs qui guident nos pas. L'étendard flotte au vent, en blanc logo du ménage. Dur sera le carnage après le passage du troisième nuage. Déterminé, visage figé à l'extrême. Nos cerveaux sont des systèmes où sont ancrés des stratagèmes. Dans mon cerveau, je crois que j'entends, oui. Je crois que j'entends, je crois que c'est des figures. Mais qu'est-ce, oh yeah, mais qu'est-ce que c'est que ce hurlement? Un cri, un hurlement de bandits. La rébellion des frères de Zermi. Donc trois fois plus de bruit. Les soldats ouvrent le feu, donc fuient, ils brûlent Paris. Et c'est Gozi au MIC saisi. Un cri, un hurlement de bandits. La rébellion des frères de Zermi. Donc trois fois plus de bruit. Les soldats ouvrent le feu, donc fuient, ils brûlent Paris. Et c'est Gozi au MIC saisi. Les Yen crient à haute voix. Dans la rue, c'est des gars. Rangers frayis, gilet ou parda. Les légions m'appuient, l'instinct d'animal aigris. Me permis de sortir mon pied de mon aiguille. Et qui sait, mon couteau te transplante. Pas de pitié pour une conscience innocente. Arrête de crier. Le peuple risque de confondre ton cri de pleurs et le nôtre sort qui tout retombe. Je massacre Paris, mais ne touche pas au fac. Intact, tes actes sont ménériques sur ce track. Faut que je crie pour que tu m'entendes. Ma voix fend l'air. Brusque ton âme pour que tu la vendes. Oh diable, laisse gros mille saloperies qui te semblent chères. L'écoute est qui compte 333. Le reste au shot. Folle droite gauche. Les moches qui empochent, t'es du ébote. Les petits qui chuchotent, qui traînent sur tes plates-bandes. Et freine-les, il faut que je crie pour que tu m'entendes. Mon murmure sera l'hurlement qui saccadera le silence. Le mirage d'une vérité qui révélera ta démence. Un compte à rebours, si le compte à rebours, prie-moi le bonjour. Quand t'as les heures courir pour passer le tour au nouveau jour. 300 respect pour ton tas, fais un cri. Les jaloux rétorquent, ma famille apporte les sensations fortes. C'est une sorte de vengeance, faute d'avoir fermé vos portes. Donc ma cohorte, ma or, mon escorte, tu chopes la corde. Si tu piques, tu frottes. Et si je crie, scrotte, ça salive hardcore dans toutes les bouches. J'arrive en boule de et je sors mes cartouches. Push, K en guise de corde vocale. C'est un hurlement de soldat et pas celui du putain racaille. Un cri, un hurlement de bandit. La rébellion des frères de Zermi. Donc trois fois plus de bruit. Les soldats ouvrent le feu, donc fuient, ils brûlent Paris. Et c'est Gozi au MIC saisi. Un cri, un hurlement de bandit. La rébellion des frères de Zermi. Donc trois fois plus de bruit. Les soldats ouvrent le feu, donc fuient, ils brûlent Paris. Et c'est Gozi au MIC saisi. Arriba. Un cri de bandit, je me suis permis. Parmi ces 3 millions de bandits, guerriers à 300%, nous sommes les purs sang du 3ème rang. Donc, Marie, tu te rends dedans, El Bandido. Je te dresse au couteau, je donne l'assaut. Guerriers, soldats, fichiers pro. Les blocs de pierre laissent transparaître aucun sentiment. Dévouement, évidemment, tandis que l'étendard flotte au vent. La rage au cœur, il faut qu'on crache nos tripes. Une souffrance intense, un plaisir quand on t'étrique. Donc, que tout soit clair, je me pars une 3ème guerre. Béton mes couilles, tu finiras sur terre. Je vous la pousse aux ennemis, partage ce plaisir avec tous mes bandits. Plus de sentiments, plus aucun sentiment. M adresse, tu plats, fais taire les garnements. Un cri, un hurlement de bandits. La rébellion des frères de Zermi. Donc trois fois plus de bruit. Les soldats ouvrent le feu, donc fuient, ils brûlent Paris. Et c'est Gozi au MIC saisi. Un cri, un hurlement de bandits. La rébellion des frères de Zermi. Donc trois fois plus de bruit. Les soldats ouvrent le feu, donc fuient, ils brûlent Paris. Et c'est Gozi au MIC saisi. Un cri, un hurlement de bandits. La rébellion des frères de Zermi. Donc trois fois plus de bruit. Les soldats ouvrent le feu, donc fuient, ils brûlent Paris. Et c'est Gozi au MIC saisi. Un cri, un hurlement de bandits. La rébellion des frères de Zermi. Donc trois fois plus de bruit. Les soldats ouvrent le feu, donc fuient, ils brûlent Paris. Et c'est Gozi au MIC saisi. Un cri, un hurlement de bandits. La rébellion des frères de Zermi. Donc trois fois plus de bruit. Les soldats ouvrent le feu, donc fuient, ils brûlent Paris. Et c'est Gozi au MIC saisi. Un cri, un hurlement de bandits. La rébellion des frères de Zermi. Donc trois fois plus de bruit. Les soldats ouvrent le feu, donc fuient, ils brûlent Paris. Et c'est Gozi au MIC saisi. M à 3, hurlement.